comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Ganarelle. Mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui a une large barbe noire et qui porte une fraise avec un habit jaune et vert. Un habit jaune et vert? Mais c'est dans le médecin des perroquets. Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? C'est un homme qui fait des miracles. Il n'y a pas 6 mois, une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte, il y avait déjà 6 heures, et on se disposait à l'ensevelir lorsqu'on fit venir de force l'homme dont nous parlons. Il lui mit, l'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche, et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit à se promener dans sa chambre comme si de rien n'eût été. Oh! Il n'y a pas 3 semaines encore, un jeune enfant de 12 ans tomba du haut d'un clocher en bas et se brisa sur le pavé la tête, les bras, les jambes. Oh, on n'y eut pas plutôt ramené notre homme qu'il le frotta par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire, et l'enfant aussitôt se leva sur ses pieds et courut jouer à la fossette. Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Ah, c'est Tigève, là justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite à le chercher. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Hé, ouais, Borgueg, laissez-nous faire. S'il ne tient qu'à battre la vache et à nous. À quelque distance de là, dans une clairière, Ganarelle un peu là s'assied sur un fagot. Ah, ma foi, c'est assez travaillé pour boire un coup. Prenons-en un peu la laine. Voilà du bois qui est salé comme tous les diables. Qu'ils sont deux bouteilles jolies, qu'ils sont deux vos petits glouglous, mais bon sang ferait bien des jaloux si vous étiez toujours remplis. Ah, ah, ah, bouteille mamie, pourquoi vous videz? Le voilà lui-même. Je pense que vous dites vrai, que j'avoue bouteille là-dessus. Que diable est qui en veulent ces gens-là? C'est lui, assurément. Alors, voilà tout craché comme on nous l'a défiguré. Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Ganarelle? Oui et non, selon ce que vous lui voulez. Nous ne voulons plus faire toutes les civilités que nous pourrons. Ah, mais en ce cas, messieurs, c'est moi qui suis Ganarelle. Monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons, et nous venons implorer votre aide dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais, monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît. Le soleil pourrait vous incommoder. Monsieur, vous êtes sûr? Ah, mais voici des gens bien pleins de cérémonie. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés, et nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Oh, monsieur... Je n'y épargne aucune chose, et les fait d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Monsieur, ce n'est pas de cela dont il est question. Ah, mais aussi, je les vends sans dissous le sang. Bon, parlons d'autre façon, de grâce. Vous en pourrez trouver autre part à moi, il y a fagot et fagot, mais pour ce que je fais... Oh, si Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grosses guerres feintes, s'abaisse à parler de la sorte, qu'un homme si... Avant, un fameux médecin comme vous êtes veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterrer les beaux talents qu'il a. Ah, mais il est fou. De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Tout ce ripotage ne sert de rien. Et je savoure ce que je savoure. Et quoi donc, voulez-vous me dire? Pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Ah, mais médecin vous-même, je ne le suis point, je ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qu'il tient. Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Mais c'est si gai de l'antiponner point davantage et confesser à la franquette que vous êtes médecin. J'en rage, messieurs. En un mot, autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin? Non. Vous n'êtes point médecin? Non, vous dis. Puisque vous le voulez, il faut s'y résoudre. Aïe, messieurs, je suis tout ce qui vous plaira. Bon, pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à cette violence? À quoi vous nous voyez la peine de vous battre? Que diable est ceci, messieurs? Vous extravaillez de vouloir que je sois médecin. Quoi? Vous vous défendez d'être médecin? Mais diable emporte, si je le suis! Il est pas vrai qu'il soit médecin! Mais non, la peste m'étouffe! Allez, messieurs, je suis médecin! Je suis médecin apothicaire encore, si vous le trouvez bon! J'aime mieux consentir à tout que de me faire assommer! Ganarelle, Valère et Lucas s'acheminent vers la maison de Jérôme. Voilà qui va bien, monsieur. Je suis ravi de vous voir raisonnable. Vous foutez la joie au cœur. Je vous demande pardon de toute mon âme. Nous vous demandons excuse de la liberté que j'avais prise. Ouais, serait-ce bien moi qui me tromperais? Serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Mais messieurs, dites-moi, est-il bien assuré que je sois médecin. Comment, vous êtes le plus habile médecin du monde. Une femme était tenue pour morte il y avait 6 heures. Elle était prête à ensevelir lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher d'abord par la chambre. Peste. Un petit enfant de 12 ans se laisse choir du haut d'un clocher en bas. De quoi il eut la tête, les jambes et les bras cassés. Et vous, avec je ne sais quel organe, vous fîtes qu'aussitôt il se relevit sur ses pieds et s'en fut jouer à la possède. Diantre. Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrai? Oui. Je suis médecin, monsieur. Je suis médecin sans contredit. Je l'avais oublié. Ah. Je m'en souviens. De quoi est-il question? Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ah, eh bien, je ne l'ai pas trouvée. Ouais. Sans une robe de médecin? Nous en prendrons une. Ah, pas le temps. Gagnez-moi un médecin qui me plaît. Je pense qu'il réussira car il est bouffon. Le théâtre représente une chambre de la maison de Géron. Oui, monsieur, nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Ah, Morgan, tous les autres ne sont pas dingues de lui déchausser ses souliers. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. Qui a guéri des gens qui étaient en mort. Il est un peu capricieux et parfois il a des moments où son esprit s'échappe, mais dans le fond, il est toute science. Sa réputation s'est déjà répandue ici. Je me meurs d'envie de le voir. Faites-le-moi vite venir. Je le vais guérir. Ouais, par ma fille, monsieur estifiera justement ce qu'en fait les autres. Et je pensais que ce sera que si que mi. Et la meilleure médecine qu'elle en pourrait voir à votre fille, ce serait selon moi un bio et bon mari pour ce qui a les amitiés. Ouais, nourrice mamie, vous vous mêlez de bien des choses. Taisez-vous, notre ménagère Jacqueline. C'est pas à vous à bout de la votre nez. Et je vous dis que votre fille a besoin d'autre chose que de ribarbe et de séné. Et qu'un mari et un emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Lorsque j'ai été dans le dessein de la mariée, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Vous lui vouliez bailler un homme qu'on n'aime point? Mais qu'en preniez-vous ce monsieur Léandre qui lui touche au cœur? Elle aurait été fort obéissante. Ce Léandre n'a pas du bien comme l'autre. Il a un nom qui est si riche, dont il est héritier. Oh, la mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers. Et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsque l'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères ont cette mauvaise coutume et demandaient toujours qu'a-t-il et qu'a-t-elle. Mais le compère Biard a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un carquet de vin qu'il avait davantage avec le jeune Robin, à qui elle avait bouté son amitié. Ben, voilà que la pauvre créature en est devenue jaune comme un coin et n'a point profité tout depuis ce temps-là. C'est un bel exemple pour vous, monsieur. On n'a que son plaisir en ce monde. Et j'aimerais mieux bailler à ma fille un bon mari qui lui fût agréable que toutes les rentes de la bio. Peste, madame la nourrice, comme vous dégoisez. Taisez-vous, je vous prie. Vous échauffez votre lait. Mordiez tête, ouais. C'est une impertinence. Monsieur, voilà votre médecin qui entre. Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate te dit que nous nous couvrions tous deux. Dans quel chapitre, s'il vous plaît? Dans son chapitre des chapeaux. Puisqu'Hippocrate le dit, il le faut faire. Monsieur le médecin, ayant appris des merveilleuses choses... À qui parlez-vous de grâce? À vous. Je ne suis pas médecin. Tout de bon? Tout de bon. Voilà, vous êtes médecin maintenant. Je n'ai jamais eu d'autre licence. Quel diable d'homme m'avez-vous là amené? Je vous ai bien dit que c'était un médecin goguenard. Oui, mais je l'enverrai promener avec ses goguenarderies. Monsieur, je suis fâché. Cela n'est rien. Des coups de bâton. Il n'y a pas de mal. Que j'ai eu l'honneur de vous donner. Ne parlons plus de cela. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravi, monsieur, que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi, vous et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Comment s'appelle votre fille? Lucinde. Lucinde? Oh, beau nom. Beau nom à médicamenter. Lucinde, Lucindus, Lucinda, Lucindum. Oh, je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Qui est cette grande femme-là? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Géronte est allé voir si sa fille peut paraître devant le médecin. Sganarell reste avec Lucas et son épouse Jacqueline. Peste, le joli meuble que voilà. Ah, nourrice, charmante nourrice. Ma médecine est la très humble esclave de votre nourrice. Je voudrais bien être le petit poupon fortuné qui t'étale le lait de vos bonnes grâces. Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Quoi? Elle est votre femme? Oui. Oh, vraiment, mais je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre. Oui, mais tout doucement, s'il vous plaît. Mais je la félicite d'avoir un mari comme vous. Et je vous félicite, vous, d'avoir une femme si belle, si sage et si bien faite comme elle est. Eh bien, t'es tiquée, prends tant de compliments, je vous supplie. Mais si je vous embrasse pour vous témoigner ma joie, je l'embrasse de même pour lui en témoigner aussi. Ah, j'ai retiqué, monsieur le médecin, que de l'antiponnage. Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, monsieur, avec toute la médecine. Fort bien. Mais il faut que j'essaye un peu le lait de votre nourrice et que je visite son sein. Eh bien, nanana, je n'avons que faire de ça. C'est l'office du médecin de voir les tétons des nourrices. Ne je me moque de ça. Je donnerai la fièvre. Et toi de là aussi, est-ce que je suis pas assez grande pour me défendre moi-même? Eh bien, je veux pas qu'il te tente, moi. Oh, fille, le vilain, qui est jaloux de sa femme. Voici ma fille. Ah. Est-ce là la malade? Oui, je n'ai qu'elle deux filles et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons, déchiez. Eh ben, voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Vous l'avez fait rire, monsieur. Tant mieux. Lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh ben, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? En. Hein? Que dites-vous? En. Quoi? En. Eh ben, je ne vous entends point, vous. Quel diable de langage est-ce là? Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plût à Dieu que la mienne eut cette maladie, je me garderais bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Oui, dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Oui, monsieur. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Fort grandes. C'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez? Oui. Copieusement? Je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable? Je ne me connais pas à ces choses. Donnez-moi un peu votre bras. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Eh oui, monsieur, c'est là son mal. Vous l'avez trouvé tout du premier coup. Ah, nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant était embarrassé, vous eût été dire ceci, c'est ça, mais moi, je touche au but du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais je voudrais bien que vous me puissiez dire d'où cela vient. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Fort bien, mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole? Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue. Aristote, là-dessus, dit de fort belles choses. Ah, je le crois. C'était un grand homme. Sans doute. Un grand homme, tout à fait. Un homme qui était plus grand que moi de tout ça. Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs. Quant à nous autres savants, nous appelons humeur pécante, c'est-à-dire humeur pécante. Pécante. Ouais, d'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent... Entendez-vous le latin? En aucune façon. Vous n'entendez point le latin? En aucune façon. Gabricias, arciturum catalamus singulariter nominativo. Ecmus alamus, deus santel, steor sous latina. Sitiam oui, quare pourquoi? Qui a substantivo et adjectivum concordat in generi numero et casus. Oh, que n'ai-je étudié? Oh, la bilhomme Kevla. Oui, ça est si bio que je n'y atteins goutte. Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche où est le foie, au côté droit où est le cœur, il arrive que le poumon, que nous appelons en latin, armiam. Ayant communication avec le cerveau que nous nommons en grec, Nasmus. Par le moyen de la veine cave que nous appelons en hébreu Kubile. Rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'homoplate. Oh. Et parce que ces dites vapeurs, écoutez bien ceci, je vous conjure, oui, ont une certaine malignité et qui est, soyez attentifs, s'il vous plaît. Je le suis. Qui est causée par l'accroté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme, et il arrive que ces vapeurs, sabindus, nequeis, nequer, potarinum, pipsamilus,